Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 20 mars. Mise en onde par Séraphine Hakidimana, Médard Niongourouchu à la présentation. Mais d'abord, les grandes articulations. Domitien Ndayizeye, ancien président de la République, a annoncé que les consultations récemment organisées par la Commission nationale interne dans les provinces du pays étaient monocolores. Et puis les jeunes universitaires burundais comprennent bien qu'ils ne doivent pas se laisser manipuler par les politiciens, car ces derniers ne visent qu'à les détruire. À l'intérieur du pays, le cachot de la police est parfois de la police de Karoussi est parfois débordé par le nombre croissant de détenus, dû surtout au manque de prisons dans cette province. En actualité internationale, on va parler du Tchad où l'Union des forces de la résistance s'inquiète de la disparition de leur chef. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Les consultations récemment organisées par la Commission nationale de dialogue interne, CNDI en sigle, dans les provinces du pays étaient monocolores. C'est du moins la réaction de l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye. Ce sénateur demande qu'il soit organisé un dialogue de ressemblance. Tous ceux qui ont à dire dans tout le pays, on l'écoute. L'environnement n'est pas favorable à ce genre de dialogue intérieur que moi je considère comme étant un monologue. C'est un monologue. Ce qui en sort, c'est donc la volonté de l'organisateur. Qu'on parle là-dedans de supprimer les questions liées au mandat, qu'on parle de ne pas aller au dialogue extérieur, etc. C'est tout à fait normal dans quelque chose qui est organisé de la sorte. En réalité, c'est pour vous dire que ce dialogue interne ne va pas nous faire avancer tel qu'il est organisé aujourd'hui. Mais il y a moyen de l'améliorer, c'est-à-dire recommencer, mais en y incluant même les personnes qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, qui disent exactement autre chose, et assurer un débat. Parce que ce débat, ce n'est pas un débat qui doit aller durer 2, 3, 4, 5 heures ou une journée. Vous voyez quelque chose qu'on organise, on appelle 1000, 2000 personnes, on leur donne un papier à remplir, un papier qu'on reprend, et puis ça dure quelques heures. C'est quel genre de dialogue, c'est quel genre de débat sur des questions aussi pointues, où on peut discuter d'un seul problème pendant 5, 6, 7, 8 heures, voire des jours, pour voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. C'est réellement mon point de vue. Et moi je le dis non pas pour vilipender qui que ce soit, mais c'est pour que cela soit organisé dans l'intérêt de tous, pour qu'il puisse y avoir une plus-value. Ce dialogue ne nous donne pas de plus-value au niveau des relations ou de la bonne gouvernance politique burundaise. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il faut une autocritique. Domitien Ndayizeye, l'ancien président de la République du Burundi. Et puis les jeunes universitaires burundais comprennent bien qu'ils ne doivent pas se laisser manipuler par les politiciens qui ne visent qu'à détruire. Tels sont les propos de certains parmi eux après des jours de formation en matière de cohabitation entre les jeunes et la résolution pacifique des conflits. Une formation organisée par le mouvement Scout et le rassemblement des jeunes Redia en sigle. Le point avec Évariste Ndikobanya. Après deux jours d'échanges entre les étudiants de différentes universités du Burundi sur la cohabitation pacifique et sur la résolution pacifique des conflits, ces jeunes étudiants disent avoir compris qu'il ne faudrait pas suivre des idéologies destructives. L'étudiante Espérance Chimilimana est présidente de l'association pour promouvoir la paix et le développement à participer dans cet atelier de deux jours. Premièrement, je sais que beaucoup de partis politiques, c'est le fanatisme. Et si tu vas dans un parti politique et que tu es un fanat dans un parti politique, c'est pas dit que tu es patriote. Il faut d'abord être patriote, savoir que tu vas dans un parti politique pour construire ton pays, pour bénéficier de l'intelligence dans ce parti. Parce que si tu veux être un président, il faut être dans un parti politique dans notre pays. Si c'est pas un parti politique qui va te construire, il faut quitter cette partie et être dans un endroit où tu vas vraiment faire quelque chose pour ton pays, quelque chose de bien. Le professeur d'université Adolphe Sururu, qui a dirigé cette formation, indique avoir compris que ses étudiants sont préoccupés par l'avenir de leur chère patrie. Il leur demande cependant de ne pas céder à la manipulation. Nous avons attiré leur attention sur cette prise de conscience. Ce sont des étudiants qui ne sont pas des enfants, ce sont des intellectuels engagés. Ils ont pour la plupart plus de 20 ans. Ils ont eu la chance d'avoir des compétences scolaires assez avancées, des compétences académiques. Donc ils sont responsables. Malheureusement, vu le contexte dans lequel nous évoluons, bien qu'ils soient universitaires, ils sont toujours, ils vivent dans pas mal de vulnérabilités, ils sont encore malléables. Nous leur avons dit qu'il faut chercher le pouvoir avec les gens et non pas le pouvoir sur les gens. Le mouvement Scout est parmi les organisateurs de cet atelier. Les responsables de ce mouvement expliquent avoir pensé à cette catégorie de jeunes car ce sont eux les futurs cadres du pays. Richard Sindingayo est membre du mouvement Scout au Burundi. Et c'est une catégorie qui a ses caractéristiques qui ne sont pas semblables à celles des autres groupes de jeunes que nous avons rencontrés dans les différentes provinces. Eux aussi, ce sont des gens qui connaissent aussi des problèmes liés à la manipulation politicienne. Une telle activité a été récemment organisée dans 6 provinces du pays, cette fois-là aux jeunes affiliés aux différentes formations politiques, aux associations de la société civile et aux confessions religieuses. Merci Évariste Nzikowanyanga. 21 personnes Batkwa sont déjà mortes suite à la faim dans le site des Batkwa de Ruganigwa en commune et province Muyinga. Ces Batkwa crient au secours. Dieu donné Zeymana pour plus de détails. C'est Pierre Karoizi, adjoint du chef du village de Batwa de Ruganigwa, indiquant que la faim a déjà emporté 21 personnes de ce site. Si toutes ne sont pas directement mortes de la faim, c'est un facteur favorisant, précise-t-il. Dans son village de la commune de Muyinga, certains écoliers affirment avoir abandonné l'école par manque de nourriture. Je m'appelle Grimana Djamali. J'ai abandonné à l'école à cause de la faim. Au courant de cette semaine, le programme alimentaire mondial a distribué une aide en vivres dans ce village. Provisions déjà achevées d'après ces Batwa, citant particulièrement les familles nombreuses. Ces habitants demandent certes une assistance en vivres, mais aussi des propriétaires foncières pour qu'ils luttent et même pour l'autosuffisance alimentaire. De Donenzeimana, Ruganigwa, Radio Isanganiro. Sécurité maintenant, un corps sans vie d'un homme a été trouvé samedi vers 16h dans la vallée du quartier Bgoga dans la province de Gitega après qu'il ait été déterré par les déchets. Cet homme a été tué les mains liées au dos. Le chef de quartier Bgoga fait savoir qu'il est visible que cet homme vient de passer plus d'une semaine dans cette fosse. Il indique qu'il va demander auprès de la police une position de police à cet endroit du fait que beaucoup de cas de violence s'y commettent. Cet avis est partagé aussi par les habitants de cette localité. Un motard a failli être assassiné et sa moto a été volée par des hommes qui s'étaient déguisés en clients. Cela s'est passé ce samedi sur la colline Kibouye en commune Rugazi de la province Bubanza. Le commissaire de police dans cette province indique que ces malfaiteurs vont être jugés ce dimanche même dans le cadre de la permanence pénale, étant donné qu'ils ont été attrapés en flagranterie. Reportage signé Spes Caritas Kabanyan. Le moteur transportait 2 soi-disant clients de Muzinda vers Kibouye en commune Rugazi ce samedi dans l'après-midi. Arrivé à quelques mètres de la destination convenue, ils lui ont intimé l'ordre de s'arrêter. Ils ont sauté par terre. L'un a pris la moto par force, l'autre a frappé le moteur au niveau de la tête à l'aide des morceaux de fer à béton qu'ils avaient cachés dans la poche selon les témoins sur place à Kibouye. Les mêmes sources indiquent que le moteur, grièvement blessé, a appelé par téléphone la police et l'administration qui ont à leur tour poursuivi des malfaiteurs. Ces derniers ont été attrapés à Mouyewe en commune Moussigati sur la même moto. Ils sont pour le moment au cachot de police à Rugazi et la victime, grièvement blessée sur la tête a été vite évacué à l'hôpital. Le commissaire de police en province de Ouanza dit que ces présumés malfaiteurs seront transférés à Ouanza ce dimanche même et jugés puisqu'ils ont été attrapés en flagrant délit selon Daniel Emmanuel Nizrimana, commissaire de police dans cette province de Ouanza, qui ajoute que les deux présumés malfaiteurs sont originaires de la province Kayanza. 18h12, le journal continue ici à la radio Isanganiro. On quitte Ouanza pour Karusi, où le cachot de police de cette province est parfois débordé par le nombre croissant de détenus. Certains d'entre eux dépassent même dans la plupart des cas la période légale de détention. Le procureur de la République à Karusi explique que la raison est celle du manque de prison dans cette province pour désengorger ce cachot, mais aussi il explique cela par manque de moyens pour pouvoir transférer les détenus confirmés vers la prison centrale de Gitega. C'est un reportage de Blaise Pascal Kararumi. Sont emprisonnés depuis plus de 6 mois au cachot de police de Karusi, alors qu'ils devraient être à la prison centrale de Gitega, selon l'agent de la Commission nationale des droits de l'homme à Karusi. Il indique que l'infraction dont ils sont accusés est légère et qu'ils seraient du ressort du tribunal de résidence. Au niveau du parquet de Karusi, les deux hommes sont accusés de rébellion contre la décision du tribunal de grande instance de Karusi, en cultivant dans une propriété que le tribunal a attribuée à une autre personne. Le procureur de la République indique qu'il a jugé bon ne pas transférer ses détenus à la prison centrale de Gitega, d'autant plus qu'il serait pratiquement impossible que le tribunal de résidence aille les juger à Gitega, explique le procureur. Il affirme qu'actuellement ces détenus acceptent déjà de renoncer à cette rébellion et qu'ils pourraient les relaxer ce lundi prochain et continuer le procès au tribunal de résidence. Alcide Sengiumba explique que le manque de prison centrale et manque aussi de moyens pour le parquet de Karusi afin de pouvoir transférer ces détenus vers la prison centrale de Gitega, ce dont la détention est confirmée par le tribunal de grande instance de Karusi. Il explique que ce sont là les raisons que les détenus restent très nombreux dans ce cachot de police de Karusi et que même certains d'entre eux dépassent de loin la période légale de détention. Puis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Sanganiro. Maintenant, on se rend à Rumonge, où les agronomes communaux doivent traduire de façon pratique les informations climatiques fournies par l'IGEBU. Artemo Gihimbare, conseiller technique au projet d'adaptation au changement climatique pour la protection des ressources en eau et sol, dit que cela est donné aux agri-éleveurs de prendre les précautions relatives. Depuis Rumonge, c'est un reportage signé Jean-Pierre Misago. Le secteur agricole en province Rumonge a été le plus concerné vu les dégâts occasionnés par les intempéries ces derniers mois où des centaines de hectares de champs de culture de maïs, de manioc, de haricots, etc. ont été endommagés par des pluies diluviennes tombées dans toutes les 5 communes de la province Rumonge. Dans la commune de Buyengero, même les animaux domestiques ont été décimés. Pour Artemo Gihimbare du projet Access, les agronomes communaux doivent être habiles dans la traduction des informations fournies par l'IGEBU. C'est en fait une invitation des agronomes communaux du ministère de l'Agriculture en général à traduire en pratique suivant les connaissances et les exigences du secteur. Maintenant, nous sommes dans le secteur agricole, il a ses exigences. Parce que quand on dit à 40%, il y aura une pluie normale ou excédentaire, il faut que les agronomes, il faut que la localité s'asseye et réfléchisse s'il faut même faire recours à des techniciens ou à un technicien d'origine pour qu'il les appuie à traduire en pratique et à formuler un message d'adaptation à la population. Il arrive qu'un coin échappe à la prévision de l'IGEBU, mais cela ne fausse pas l'information fournie. Bon, l'information qui est fournie par l'IGEBU est une information en rapport surtout avec les zones agroécologiques qui en elles-mêmes possèdent parfois des variabilités climatiques locales ou même des microclimats, comme on dit. Mais cela ne fausse pas de façon globale l'information qui est fournie par l'IGEBU. partout au monde, une prévision reste une prévision. C'est une prévision qui est basée sur des probabilités. Les agronomes communaux, les conseillers techniques au développement dans les 5 communes de la province Rumonge, ainsi que les journalistes étaient réunis à Rumonge ce jeudi pour échanger sur les prévisions météorologiques fournies par l'IGBU sur les mois de mars, avril et mai de l'année en cours. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Quittons Rumonge pour Mwaro, où la population de la zone et commune Ndava de cette province Mwaro subissent ces derniers jours des cas de vol répétitifs de vaches. Au total, 16 vaches ont été volées dans cette zone depuis le mois de février dernier jusqu'à aujourd'hui. L'administrateur de la commune Ndava, Aloïs Ndenzako, indique qu'il va tenir une réunion avec les représentants de cette population pour éradiquer ce phénomène. Le point avec Laurent Dikouliou. Les collines de la zone et commune Ndava en province Mwaro menacées par ces cas de vol répétitifs de vaches sont Ndava, Muyogoro, Butazi, Nyamurenge, Matongo et Bugera. Les habitants de ces collines disent qu'ils entendent souvent des cris suite à une tentative de vol de vaches dans certains ménages. Ils indiquent qu'il peut arriver que 8 vaches soient volées au cours de la même nuit. Denzako Aloïs, administrateur de la commune Ndava, dit qu'il est déjà au courant de ces cas de vol fréquents de vaches qui se remarquent surtout depuis le mois de février dernier. Il précise que ces voleurs font leur forfait entre 1h et 2h du matin. Il ajoute qu'il a déjà eu écho d'un véhicule qui serait utilisé dans ces actes et dit qu'il est sur la piste de le détecter. Il précise en outre que deux individus qui avaient volé des vaches sur la colline Nyamurenge, toujours en commune Ndava, ont été arrêtés en commune Guiheta, en province Itega. Ils ont été attrapés quand ils allaient abattre une vache sur la colline Moussama, dans la commune Guiheta. Il attend les résultats de l'OPJ de la place, souligne-t-il. L'administrateur de la commune Ndava demande à l'association de sa commune d'organiser des rondes nocturnes pour démasquer ces malfaiteurs. Il souligne qu'il compte tenir dans les meilleurs délais une réunion avec les chefs de colline ainsi que les membres des comités mixtes de sécurité pour arrêter des stratégies appropriées. Signalons que l'élevage des vaches est une des sources de revenus pour les habitants des communes Ndava, Kisozi et Rusaka, situées dans la région Mugamba de la province Mwaro. Depuis Mwaro, Laurent Dikouliou, Radio Isanganiro. Merci Laurent. On clôture l'actualité nationale par un bref sportif où 10 meilleurs athlètes des écoles fondamentales de Rumonge vont être encadrés techniquement pour être compétitifs sur le plan national et international. Cette annonce est de Charlie Nhadzanyami, ancien athlète burundais, au terme d'une course de détection des jeunes talents organisée ce samedi à Rumonge. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, au Tchad, l'Union des forces de la résistance, IFR, mouvement rebelle tchadien, fait part de ses inquiétudes pour son chef d'état-major Daoud Ali Bouyenou, arrêté à Niala, au Soudan, dans la nuit du 11 au 12 mars dernier, alors qu'il était hospitalisé. Sans nouvelles de lui depuis, l'IFR craint qu'il ait déjà été extradé vers N'Djamena. Youssouf Hamid, porte-parole du Mouvement pour l'Europe, met aussi en garde le Soudan contre de possibilités poursuites judiciaires. Toujours au Tchad, l'élection présidentielle doit se dérouler le 10 avril, mais sa préparation suscite des glissements de dents. 10 candidats à l'élection présidentielle ont quitté samedi 18 mars la cérémonie de signature du code de bonne conduite proposé par le Haut Conseil de la communication aux prétendants à la présidentielle. Ils ont ainsi montré leur désaccord avec l'OTAN d'antenne qu'elle a accordé l'autorité de régulation alors qu'ils étaient conviés à la signature du code de bonne conduite pendant la campagne électorale. 10 des 14 candidats à la présidentielle du 10 avril prochain ont protesté contre l'OTAN d'antenne qui leur a été accordé dans les médias publics le temps de la campagne. Et voilà, à 18h20, c'est par ici que se boucle ce journal, la dernière édition de ce 20 mars. Merci à Séraphine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Médard Niyonguru. Excellente nuit à tous.